Ah bon? Ce soir toute ton équipe est dans la mêlée. Ce soir y'a pas de limite, tout le monde est fêlé. T'as reconnu la voix de Los Angeles. Ramène-moi les films bien gros ma pêlée. C'est comment? Le carré VIP, c'est comment?